Après l'achèvement de la célèbre Columbiade, l'intérêt public se rejeta immédiatement sur le projectile. Mais Michel Ardan ne se souciait pas de voyager à la façon des écureuils. Il voulait monter la tête en haut, les pieds en bas. De nouveaux plans furent donc conçus et le projectile ainsi modifié fut fondu le 2 novembre et expédié immédiatement à Stonehill par les railways de l'Est. Le 10, il arriva sans accident à sa destination.